الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alors nous sommes arrivés aujourd'hui au 12e dans cette série de leçons sur l'Itqan. La dernière chose que nous avons dite le cours précédent, c'est les propos d'Abu Amr Dani dans son livre Al-Muhkam fi Naqt al-Masahif, où il a dit que il n'y a pas un seul signe de la graphie du système diacritique, la moindre alif, la moindre damma, la moindre voyelle, le moindre signe diacritique. Il a dit qu'ils ont convenu, ils ne l'ont pas fait sans qu'il n'ait essayé par lui de parvenir à la vérité, à la justesse, à l'authentification, et sans qu'il n'ait visé par lui un aspect de la langue arabe et du qiyas et de l'analogie, et ce en vertu de leur grande connaissance et de leur position éminente en matière d'éloquence. Les mudi'in min al-'ilmi wa makanihim min al-fasaha. 'Alima dhalika man 'alima wa jahilahu man jahila. Le connaît celui qui le connaît, il ignore celui qui l'ignore. Les savants, ceux qui étudient profondément le rasm coranique et qui étudient les qira'at, se rendent compte, s'aperçoivent du grand savoir et de la grande éloquence des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des grands tabi'in. Il a dit: وَالْفَضْلُ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. La faveur est dans la main d'Allah, il l'accorde à qui il veut, et Allah est celui qui détient la faveur immense. Donc ça, et c'est une réfutation de ce qu'a dit Ibn Khaldun, à savoir que qu'ils n'étaient pas rigoureux dans leur écriture et qu'ils n'avaient pas atteint l'art de la graphie et de ceux qui excellent dans ce domaine. Non, c'est une réfutation. Donc ce propos d'Ibn Khaldun est que les orientalistes, beaucoup de pseudo-intellectuels adoptent, est rejeté, il est réfutable par les grands savants de la Qira'a, les grands savants du Rasm Usmani. D'ailleurs, l'une des conditions de l'acceptation d'une Qira'a est sa conformité à la graphie du Mus'haf Usmaniya. Ça, on va le voir, Inch'Allah. La première condition, c'est le tawatur. C'est-à-dire que la qira'at doit être apportée par une multiplicité de chaînes d'autorité qui remontent aux compagnons. La deuxième condition est celle-ci, c'est-à-dire la conformité au rasm usmani. Puis la troisième condition, c'est la conformité à la langue arabe. La qira'at du Asim, riwayat Hafs, que vous lisez aujourd'hui, n'a été adoptée qu'après qu'elle ait rempli ces trois conditions. Pareil pour Qira'at Hamza, pareil pour Kisa ibn Kathir al-Makki, le Nafi' et d'autres. Toute la communauté est unanime sur ces Qira'at du fait de leur conformité à la graphie du Mus'haf de Uthman. Vous savez, je vais vous donner un exemple, Inch'Allah, qui vous rapproche le sens. La graphie du Mus'haf Uthmania, c'est comme je peux l'assimiler au programme d'un ordinateur. Hein? Langage de programmation et tout ça, les codes, un travail parfait fait par des informaticiens qualifiés. Ben, un débutant, par exemple, il va venir, il va ouvrir l'ordinateur, ben, il ouvre certains programmes, il voit certains fichiers, des dossiers, il dit: ah, ce dossier est vide, et il l'enlève, c'est du superflu. Et il enlève ce fichier. À quoi ça sert ce fichier? Il n'y a que juste deux mots là-dessus. Il l'enlève, il le jette dans la corbeille, il l'efface et il commence à ajouter. Il a ajouté des fichiers qu'il apprécie de sa tête. Et le résultat final, l'ordinateur tombe en panne, il bloque. Pourquoi ? Parce qu'il ne connaît pas l'importance de ces fichiers. Il ne connaît pas l'importance de ces fichiers et de ces dossiers. C'est pareil pour la graphie coranique. Les pseudo-intellectuels, qu'est-ce qu'il va dire ? Oh, oulaïk ! Quand il va dire oulaïka, alayhim salawatum min rabbim, oulaïk, hamza, et puis qu'est-ce qu'il fait ce waw ? Qu'est-ce qu'il fait ce waw avec un waw supplémentaire ? Il saute, il enlève. Allez, il est plus intelligent que les salafs. que les anciens. Et il dit, oh, leur orthographe est défectueuse. Bon, ils ne savent pas que ce Huawei a une fox. Juste, ils l'ont ajouté. Et lui, bon, il fait ça. Mais il ne sait pas. Il ne connaît pas les fonctions de ce Huawei. Il ne connaît pas la valeur de ces noms-là. Parce que ces valeurs, ces signes diacritiques, ces voyelles langues ajoutées ou les voyelles qui ont été retranchées et tout, c'est pour une raison éminente. Je ne sais pas que c'est sur cette orthographe a permis, a enrichi l'exégèse, a enrichi le fiqh. Ce waouh-là a une fonction, il a été étudié par les savants de l'exégèse, ils en ont déduit des enseignements éminents. La moindre voyelle, il a un rôle. Ben, s'ils appliquent cette règle, avec leur orthographe analogique, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire perdre à la communauté des trésors, des commentaires d'exégètes, des règles juridiques. Ils vont faire perdre à la communauté des qira'at, parce que les qira'at se fondent sur l'orasme, sur ces nuances-là. Ça, c'est comme quelqu'un qui est. C'est comme un enfant qui veut jouer avec des choses, avec des appareils sophistiqués. Ben, c'est pareil. L'orasme, il ne faut pas toucher au orasme. Quand l'imam Malik, Rahmallah, a dit qu'il ne faut pas modifier la moindre lettre, et aussi l'imam Ahmed ibn Hanbal, comme a dit Abu Amr Dani, il a dit que je ne connais pas un seul imam qui dise le contraire. Ben, ces savants, ils savent de quoi ils parlent. Ils savent très bien. L'orasme, c'est une science, la graphie. Ce n'est pas un jeu, et on ne peut se spécialiser dans la graphie que lorsqu'on maîtrise la récitation par transmission orale de maître à élève. C'est une science avec ses chaînes de transmission, chaînes de rapporteurs qui se terminent par la vision, c'est-à-dire une chaîne qui remonte à un qari qui dit avoir vu tel mot écrit de telle manière dans le mushaf du Cham ou dans le mushaf de Médine ou d'El Koufa. Il dit ça a été. Ou là, ça a été écrit avec un waouh comme ça, je l'ai vu. Comme a dit Abu Amr Dani sur le Mus'haf du Cham, ce B qui a été ajouté, le bas, il a dit, je l'ai vu dans le Mus'haf de Cham. Donc, ça, comme j'ai dit, ça se base, l'orasme se base sur une chaîne d'autorité. Et d'habitude, les Qurra, ils transmettaient à leurs disciples la qira'a avec ses nuances phonétiques et ses ahraf comme ils les avaient reçus des compagnons, radiallahu anhum, et en même temps, ils leur transmettaient la graphie, c'est-à-dire l'orasme. Comment la graphie du mus'haf de Médine est parvenue, par exemple, aux Marocains? Ou les Algériens, les Mauritaniens, les Maghrébins en général. C'est Al-Ghazi ibn Qais, qui est mort en 199 de l'Hégire, grand cheikh de Cordoue, de l'Espagne musulmane, Cordoba. C'est lui, il introduit le rasm, la graphie du Mus'haf de Médine au Maroc, en Algérie. Il l'a introduit d'abord en Espagne, puis ça a été amené au Maroc, et en Mauritanie, et en Algérie. C'est lui, la graphie du Mus'haf de Médine, a été introduite par Al-Ghazi ibn Qais. Et il a introduit aussi le Muwatta de l'imam Malik. Malik, il a reçu la qira'a de Nafi'a. Nafi'a ibn Nu'aym. Et Nafi'a a adopté le madhab de Malik. Des livres ont été écrits sur le rasm, sur la graphie, comme Hija Sunna lil-Ghazi ibn Qais. Subhanallah, chaque aspect du Coran, comme a dit Suyuti au début de son livre, l'Itqan, le Kitab Coran Mufajjir al-Ulum, c'est lui qui a fait exploser, qui a fait jaillir les sciences. L'orasme, il existe des sciences pour l'orasme. La phonétique des sciences sur ça sont apparues. Subhanallah. Richesse du Coran. Le potentiel, ce potentiel, cette énergie que porte le Coran, même puisqu'il est divin, il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est normal qu'il soit lu de différentes manières, parce que c'est un livre béni. J'ai dit des livres ont été écrits sur le racisme, comme Hijaz Sunna al-Ghazi ibn Qais, dont je viens de te parler, qui a introduit le racisme de Médine, du Mus'haf de Médine au Maroc, et en Andalus, en Espagne musulmane, Mauritanie et en Algérie. Et le Kitab, c'est l'un des plus anciens livres perdus, des siècles, des siècles. Mais on en trouve une partie dans le Muqna', dans le Muqna' d'Abu Amr Dani. On trouve une partie du Kitab Hijaa Sunna. Il y a Hijaa Masahif al-Amsar. Le Hijaa, c'est-à-dire Hijaa, ça veut dire l'alphabet. Hijaa Masahif al-Amsar, c'est d'Ahmed ibn Ammar. Kitab Hijaa de Mu'adh al-Juhani, bien sûr, le Muqna' fi Marsoum. Masahif al-Amsar, ça c'est d'Abu Amr Dani, l'Andalousi, qui a beaucoup servi. On dit un grand service, subhanallah, à la communauté musulmane concernant les qira'at. Bon, nous reviendrons, inshallah, au rasm, quand nous arriverons au chapitre du Tadwin, inshallah. Nous allons passer aux qira'at. Là, on chemine petit à petit vers les qira'at. Lecture. Nous allons passer aux qira'at et aux qurra', que nous connaissons aujourd'hui, comme qira'at Nafi', Asim, Al-Kisa'i, Abu Amr, etc. Les dix qurra', selon lesquels la communauté musulmane récite le Coran, récite selon les règles de ces qurra'. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation d'Allah par l'intermédiaire du Jibril. Il dictait ce qu'il recevait aux scribes et leur apprenait oralement comment réciter le Coran. Et aussi réciter devant lui ce qu'il leur a appris. C'est bon? Il reçut le Coran selon cette mode de formulation, Ahruf, les Sabat Ahruf, nous en avons parlé. C'était une licence. Licence l'a dit, Inna hada al-Qur'an unzila ala sab'ati ahruf, faqra'u ma tayassara minhu. Ce Coran a été descendu selon cette mode de formulation. Lisez ce qui vous est facile de réciter, ce qui vous est facile de réciter. Iqra'u wa la haraj, dans une autre version. Récitez sans vous gêner. Vous pouvez prendre de ce harf et de ce harf de la langue de Houdail, de la langue de Azd Chanoua, de la langue de Tamim, de la langue de Quraysh, ou d'autres langues. Donc, c'était une licence. Chaque compagnon, il apprenait le Coran selon un, deux, plus ou plusieurs ahraf. J'ai dit, ahraf, c'est Hunalika tablou kullu nafsin ma aslafat, Hunalika tatlou kullu nafsin ma aslafat, le jour de la résurrection, chaque âme lira ce qu'elle a accompli comme œuvre, ou Hunalika tablou kullu nafsin ma aslafat. De toute façon, les différents ahraf, yukhadi'oun, yakhda'oun, maliki yomiddin, maliki yomiddin. C'est bon? Donc, certains compagnons s'étaient distingués dans cet art et avaient chacun adopté un choix. C'est ce qu'on appelle l'khtiyarat. Il choisit de ce haf. C'est ce qui a fait qu'il y ait plusieurs qira'at. Chaque compagnon choisit de ce haf, de ce haf, de ce haf. C'est bon? Donc, vous savez, il y a eu la première recension du Coran au califat d'Abu Bakr, puis la deuxième recension de Uthman. À cause de la divergence des qurra sur certains ahruf et à cause des erreurs de prononciation par les noms arabes. Et là, le Uthman a mis par écrit les 6 ou 7 mus'haf de référence et a envoyé chacun à une métropole pour trancher toute divergence. Ça, nous avons dit. Chaque mus'haf envoyé à une ville correspondait à la lecture des habitants de celle-ci. Il y avait déjà les qurra parmi les compagnons et les tabi'in qui enseignaient le Coran aux gens. Donc chaque compagnon connaît le Coran selon 1, 2, 3 ahrof, des modes de formulation, et les Qurra' étaient répartis partout dans le territoire musulman. Au Yémen, il y avait Mu'adh ibn Jabal, Abu Musa al-Ash'ari. En Syrie, il y avait Abu Darda. Al-Kufa, il y avait Ibn Mas'ud, il y avait Ali ibn Abi Talib. À la Mecque, il y avait Ibn Abbas, et son affranchi Ibn Sa'ib. Et le qira'at de ces villes a été influencé par ces compagnons-là. Et de ces compagnons-là, beaucoup de tabi'in ont reçu les qira'at. Et se sont distingués. Suyuti les cite dans le 20e chapitre de son Itqan. نوع العشرين في معرفة حفاظه ورواته. Chapitre sur la connaissance des حفاظ, ceux qui ont mémorisé le Coran et ceux qui l'ont transmis. Donc ils se sont distingués. À Médine, il y avait Ibn al-Musayyib, il y avait Urwa, il y avait Salim, il y avait Omar ibn al-Aziz, qui fut calife abbasside plus tard. Il y avait Mu'ad ibn al-Harith, il y avait Abdurrahman ibn Hurmuz, l'A'raj. Ibn Shihab al-Zuhri. Mecca, il y avait Ubayd ibn Umar, il y avait Ata ibn Abi Rabah, il y avait Taous, il y avait Mujahid ibn Jabr al-Karima. Ça, c'est Ibn Abi Mulayka, ça, c'est l'école d'Ibn Abbas. Ça, c'est les Tabi'in. Je ne parle pas de compagnons, ça, c'est les Tabi'in, la génération suivante. C'est Madrasat ibn Abbas. Le Koufa, il y avait Al-Qama, il y avait Masrouq. Il y avait Amr ibn Shrahbil, il y avait Al-Harith ibn Qais, il y avait Rabi' ibn Khaytham, il y avait Abu Abdurrahman Sulami. Abu Abdurrahman Sulami fut même le premier qui a fait réciter aux gens le Coran que Uthman a recensé. C'est le premier qui a réuni les gens dans la mosquée, le Masjid al-Adam, dans une mosquée de Koufa, et il l'a fait réciter, il a prôné le Coran. Selon le Mus'haf de Uthman, durant 40 ans. Abu Abdurrahman Sulami, le Qira'at Hafs, Riwayat Hafs An Asim, ça remonte à Abu Abdurrahman Sulami. Zer ibn Hubeish, le disciple d'Ibn Mas'ud et d'autres compagnons, Sa'id ibn Jubair, l'imam al-Nakhai. Al Basra, il y avait le grand tabi'i Abu al-Aliya, il y avait Abu Raja', Nasr ibn Asim, et Yahya ibn Ya'mur. Nasr ibn Asim et Yahya ibn Ya'mar, ce sont eux qui ont mis le système diacritique, hein, les points, nuqat al-i'jam, c'est-à-dire les points qui distinguent le ba du ta du sa. Ce sont les disciples d'Abu al-Aswad al-Du'ali. Abu al-Aswad al-Du'ali, c'est lui qui a introduit les points diacritiques de l'i'rab, c'est-à-dire qui désignait les voyelles courtes. La damma, la fatha, la kasra. Mais lui, il l'a mis sous forme de points. C'était au début sous forme de points. Ce n'est que plus tard, à l'époque des Abbasides, Khalil Farahidi, qui a transformé ces points-là en Dhamma et en Fatha, que nous connaissons, le petit waw, et puis l'alif qui est horizontal, et la kasra qui est le trait qui est en bas du tracé graphique. Yahya ibn Ya'mar. Al-Hassan al-Basri, bien sûr, al-Basra, il est connu par le grand imam Hassan al-Basri, Ibn Sirin, bien sûr, le disciple d'Abu Huraira, Qatada et d'autres. Hisham, la Syrie, Mughira ibn Abi Shahab al-Makhzoumi, c'est le disciple de Uthman ibn Affan, Khalifa ibn Sa'd, c'est le disciple d'Abu Darda. Et puis, Suyuti, il a cité ces noms-là, et il a dit, des gens se sont consacrés à cet art et ont soigneusement maîtrisé les nuances et les règles de la qira'a, c'est-à-dire la phonétique et graphique, jusqu'à ce qu'ils devinrent des imams auxquels les gens se réfèrent et font de longs voyages pour arriver jusqu'à eux pour profiter de leur savoir. Donc, de ces gens-là, bon. C'est parmi ces gens-là, parmi leurs disciples, ou parmi ces gens-là même, il y a des qurra qui se sont distingués. Hein? Ils ont maîtrisé les nuances phonétiques, ils ont été excellents dans cet art-là. Ils se sont distingués, ils sont devenus célèbres de par leur connaissance, de par leur savoir, leur éloquence. Parmi ces grands savants, à Médine, ils se sont distingués Abu Ja'far, Yazid ibn al-Qa'qa', thumma Shayba ibn Nassah, thumma Nafi' ibn Abi Nu'aym. Abu Ja'far, Yazid ibn al-Qa'qa', thumma Shayba. Abu Yazid, il est mort en 130 de l'Hégire. Shayba ibn Nassah, il est mort aussi dans la même année, 130. Nafi' ibn Abi Nu'aym, il est mort en 169 de l'Hégire. Abu Ja'far, Yazid ibn al-Qa'qa', ça, c'est même le cheikh de Nafi'. Et Shayba aussi. Et Nafi' qui est connu, le Qari Nafi', l'un des 10 Qurra. Abu Ja'far, c'est l'un des 10. Mais Nafi', c'est l'un des 7. Ça, je vais l'expliquer, Inch'Allah. Nafi', les élèves, Warsh et Qaloun, bien sûr. Mecca, il s'est distingué Abdullah ibn Kathir. qui est mort en 120 de l'Hégire. Et Humayd ibn Qais al-A'raj et Mohammed ibn al-Muhaysin l'avaient sa lecture, sa qira, à sa propre qira. Mohammed Qira'at ibn al-Muhaysin. Al-Kufa, c'est Yahya ibn Wathab, et puis Asim ibn Abi Najoud. Yahya ibn Wathab est mort en 103 de l'Hégire. Asim ibn Abi Najoud, il est mort en 129 de l'Hégire. Qira'at Asim, la qira'a que vous lisez souvent en France, c'est Qira'at Asim. Qui est mort en 120. Et on dit Asim ibn Abi Najoud parce que certains ils ne prononcent pas bien Najoud, ils disent Najoud ou Najoud. Non, c'est Najoud, c'est comme ça que ça. Asim ibn Abi Najoud, Suleyman al-A'mash et Hamza Zayat qui est mort en 156, Qara'at Hamza, et le Kisa'i, il est mort en 189, il avait sa Qara'a aussi. Sa Qara'a a été recensée. Et fixé. Al-Basra, il y avait Abdullah ibn Abi Ishaq, Isa ibn Omar. Abdullah ibn Abi Ishaq, Isa ibn Omar, et Abu Amr ibn al-Ala. Abu Amr ibn al-Ala, qui est l'un des 10 Qurra. Il est mort en 154 de l'Hijra. Il y avait Asim al-Jahdari aussi, il y avait Yaqub al-Hadrami. Au Sham, il y avait Abdullah ibn Amir. Sham, Abdullah ibn Amir, c'est Qira'at Abdullah ibn Amir, l'un des 7. Et Atiyya ibn Qais al-Kilabi. Il y avait aussi Ismaïl ibn Abdullah ibn al-Muhajir, Yahya ibn al-Harith al-Dimari et d'autres. Donc, parmi ces Qurra'a, ceux qui gagnèrent de la renommée devint célèbres partout dans le monde musulman sont Nafi'. Nafi', Qira'at Warsh al-Nafi', Riwayat Warsh al-Nafi', vous la connaissez, au Maroc et tout. Et Qaloun, vous la connaissez, Qaloun, selon Nafi', que les Tunisiens. Il est connu chez les Tunisiens et d'autres. Alors, Nafi', il a étudié la Qira'a sous la coupe de 70 tabi'in, dont Abu Ja'far Yazid ibn al-Qa'qa. Ça, on en a parlé. Donc, Nafi' ibn Kathir, Nafi' est à Médine. Ibn Kathir, c'est la Mecque. Il a reçu l'enseignement de Abdullah ibn Sa'ib, qui est un compagnon. C'est la franchise de. Ou un compagnon. La franchise d'Ibn Abbas, je crois. Abu Amr, il a reçu l'enseignement des tabi'in aussi. C'est la génération qui a connu, qui a vu les compagnons. Ibn Amir a été le disciple d'Abu Darda. Aussi le disciple de Uthman. Pas le disciple direct de Uthman, mais le disciple des disciples de Uthman. Asim, il a reçu la qira'a des tabi'in. Asim, c'est la qira'a de Hafs an Asim, qu'on récite beaucoup en France. Et en Orient, bien sûr, l'Arabie Saoudite, toute la région. Les plus connus, c'est Nafi' et Asim. Hamza, il a reçu l'enseignement de Asim. Il a reçu l'enseignement d'Al-A'mash. Il a aussi reçu l'enseignement de Sha'bi. Non, pas Sha'bi. C'est Abu Ishaq Sabi'i. Il a reçu l'enseignement de Mansour ibn al-Mu'tamir et d'autres. Et puis, bon, Al-Kisa'i. Il a reçu le savoir de Hamza et d'Abu. Vous savez, certains Qurra, ils ont reçu le Qira'a d'autres. D'autres Qurra. Par exemple, le Kisa'i, il a reçu la science de Hamza et d'Abu Bakr ibn Ayyash. Si vous voulez, il y a trois générations. C'est la tabaka, si on peut les diviser. Il y a la tabaka d'Ibn Kathir. La première tabaka, c'est des Tabi'in. Dans lequel il y a Ibn Amir et Ibn Kathir al-Makki. De les anciens. Et il y a la tabaka, l'autre tabaka, ce sont ceux qui ont étudié chez les tabi'in, à savoir Nafi' et Asim et d'autres. Et Abu Amr, le Basri aussi. Et il y a l'autre tabaka qui a reçu de la génération qui est venue après. Tabi'in, c'est Hamza Ziyat et le Kisa'i et d'autres aussi. Donc, trois telles tabakats. Donc, ces sept se sont distingués. Ils se sont distingués. Les qira'at se sont répandus dans différentes contrées et se sont dispersés, génération après génération. Et parmi les disciples de tout qari, de tout récitant, parmi les disciples de ces qira'at-là, que je vous ai récité, que je vous ai cité, il y avait. Se sont manifestés deux rouates, deux disciples. C'est-à-dire que chaque qari, deux disciples se sont distingués. Il y en a plusieurs, mais il y en a deux qui ont vraiment. Comme par exemple, Nafir, c'est Qalun et Warsh. Ils se sont distingués. Sinon, il y a d'autres. Hein? Il y a Ibn Jamaz, Kharija, Al-Asma'i, il y a d'autres. Sinon, Qalun et Warsh, que nous connaissons aujourd'hui, se sont distingués. Et Ibn Kathir, il y a Qunbul el-Bazzi. Qui a reçu la qira'a. Comme le Bazzi, il a reçu la qira'a des disciples d'Ibn Kathir. Il n'a pas rencontré Ibn Kathir. Donc les riwayats, parfois on dit riwaya an fulan, la personne qui a propagé ou qui récitait selon une lecture d'un cheikh, il ne l'a même pas vu, mais il a vu, c'est par l'intermédiaire d'un autre qu'il s'est distingué. Alors Ibn Kathir, c'est Qunbul et al-Bazzi, ce sont les deux rouat, riwayat Qunbul et riwayat al-Bazzi. Ibn Abi Amr al-Basri, il y a Douri et Soussi. Et Ibn Amir Hisham Ibn Dikwan, ce sont ces deux riwayat qui ont transmis le savoir, la qira'a de Ibn Amir. Asim, il y a Abu Bakr Ibn Ayyash et Hafs. Abu Bakr, c'est Ibn Ayyash, c'est Shu'ba. Les deux riwayat Shu'ba an Asim et riwayat Hafs an Asim. Vous lisez donc en France riwayat Hafs an Asim. Hamza et Khalaf ou Khaled. Sont eux qui ont transmis sa qira'a. Le Kisa'i, Douri et Abu al-Harith. Douri et Abu al-Harith. Douri, celui qui a transmis la qira'a d'Abu Amr, il a transmis aussi la qira'a de l'Kisa'i. C'est bon? Donc, les tabi'in et ceux qui sont venus après, bon, les qurra, ils ont reçu leur qira'a, la qira'a 2, et on constate que ces qurra, ils divergent, c'est-à-dire il y a plusieurs variantes. C'est-à-dire chaque qari, il a sa propre lecture qui est différente de la lecture d'un autre. Pourquoi? Ben, c'est les ahraf qui ont fait ça. Hein? Et parfois, le qari, comme le Kisa'i ou Nafi, il a ce qu'on appelle l'ikhtiyarat. Exemple, Nafi, il a dit, j'ai examiné les qira'at des tabi'in. Vous savez, Nafi, il a reçu les qira'at de 70 tabi'in. 70. C'est-à-dire, vous imaginez combien de fois il a fait le khatma du Coran. Il a terminé du début jusqu'à la fin avec les nuances phonétiques et les moindres voyelles. Il les a récitées à des tabi'in. Il a étudié chez eux. Chaque fois, il lui corrige ça. Il a reçu la qira'a de 70 tabi'in. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, quand je vois que deux tabi'in ont en commun une lecture, ben, qu'est-ce que je fais? Je l'adopte. Et quand je vois qu'un tabi'i se distingue par une seule lecture, une lecture, je ne la prends pas. C'est ce qu'a dit Nafi'. Donc il a un choix. C'est-à-dire il choisit parmi les ahraf de celui-ci et de celui-là. Et après, jusqu'à ce qu'il se forme, jusqu'à ce qu'il ait une qira'a à lui seul, c'est-à-dire une qira'a personnelle. Selon ses règles, bien sûr, selon parce que ce n'est pas comme ça qu'il est. Le choix, c'est pas un choix aléatoire, mais il le soumet à la langue arabe et tout, au rasme de Othman, etc. C'est-à-dire que c'est des qurra qui ont un grand savoir et qui font ces choix-là. Qui font ces choix-là. C'est-à-dire qu'ils choisissent parmi les ahrafs ceux qui conviennent à la langue arabe, à l'éloquence, etc. D'accord? Ou il choisit la langue de Houdail, et la de Bani Tamim et d'autres. Excusez-moi. Donc, c'était ce qu'on appelle les savants du Qur'an, appellent ça l'ikhtiyarat. Et c'est ce qui fait que les Qur'an divergent. Les Qira'at se sont multipliés. Donc ceux-là se sont distingués, mais les Qira'at, mais il y avait beaucoup d'autres. Et les Qira'at se sont, comme j'ai dit, multipliés, se sont répandus dans le territoire musulman. Et là, les fausses qira'at, les fausses lectures commencent à s'immiscer dans les lectures. coranique. Et certains récitent le Coran à leur manière. Il y avait les fausses, les erreurs de prononciation. Et là, les savants de là ont mal réagi. Subhanallah, quand chaque fois qu'il y a un problème, une fitna et tout, ils réagissent. Concernant le Coran, chaque fois qu'ils sentent que le Coran est menacé, ben ils réagissent. Et là, bien sûr, même la sunna et tout, chaque fois qu'ils voient un faux hadith, ils réagissent. Là, les hommes, les grands savants intervinrent pour remettre les choses à l'ordre et dénoncer l'hérétique ou l'innovateur ou le détracteur ou les ennemis de l'islam qui essaient d'introduire, de changer une voyelle ou de changer le moindre signe. D'accord ? Ils ont alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont examiné les qira'ats. Ils ont chaque mode de récitation, chaque qira'a, ils ont vérifié si la récitation des mots est conforme au ahraf révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont examiné les chaînes de transmission des qira'a, de qui ils ont reçu telle prononciation. Ils ont étudié la personne, c'est-à-dire son degré de sa probité, est-ce qu'il est digne de confiance, c'est-à-dire ses qualités, son scrupule religieux. Bon, un grand travail d'examen et de recension. Et là, des grands censeurs, comme Abu Ubaid, Al-Qasim ibn Sallam, qui est mort en 224 de l'Hijr, Ahmed ibn Jubair al-Kufi, Ismail ibn Ishaq al-Maliki. Donc, ils sont engagés dans ce travail-là. Ils se sont portés volontaires pour faire le tri et suivre les fausses qira'at et recenser et fixer les qira'at authentiques. Et l'idée de fixer les qira'at apparut au 3e siècle de l'Hégire. Avant, les compagnons apprenaient aux tabi'in, les tabi'in apprenaient à la génération après la génération suivante. Les qira'at se sont répandus, les riwayat se sont répandus, les disciples, plusieurs disciples reçoivent d'un tel. Bon, il y avait des fausses qira'at à l'intérieur. Les savants ont intervenu pour mettre fin aux fausses qira'at. Ils ont poursuivi les détracteurs, ceux qui mentent, ceux qui récitent n'importe comment. Et l'idée de fixer ces qira'at apparut alors. C'était au 3e siècle de l'Hégire. La qira'a d'un tel avec ses modes de formulation, l'élision, comment il fait l'hydrame, comment il prolonge les nuances phonétiques avec les chaînes de rapporteurs de qui il a reçu, etc. Et là, l'imam Ahmed ibn Jubair, il a écrit un livre sur les qira'at et il l'a appelé qira'at al-khams. C'est-à-dire, il a choisi 5 qira'at, 5 modes, 5 lectures. Ahmed ibn Jubair, il est mort en 258 de l'Hégire. Un autre, il écrivit les 8. Vint le 4e siècle de l'Hégire qui connut l'apparition, l'émergence d'un grand imam des Qira'at. 4e siècle de l'Hégire. Ibn Mujahid. Ibn Mujahid, il est venu à une époque où les Qira'at se sont multipliés. Il y eut des confusions au sein du même qira'at, des qura'at qui ne sont pas dignes de foi apparurent. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait le tri. Il a trié les qira'at dans les grandes villes auxquelles les masahif othmaniens ont été envoyés. Cham, Koufa, la Mecque, le Basra. Et son souci, c'était quoi ? C'était de préserver les qira'at authentiques. Parfois, il y a même un qari qui est digne de foi, mais le problème, c'est dans ceux qui ont transmis sa qira'at. Ils disent, nous récitons selon Asim, nous récitons selon le Kisa'i, mais il récite n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé à faire ce travail de recension, de vérification des vrais qira'at, et ceux qui l'ont transmis, qui ont transmis ce qira'at, il a chercher à connaître leur qualité. Est-ce qu'ils sont dignes de foi ? Et il a fait un grand travail, et ce fut lui qui a fixé les 7 qira'at dans son livre Kitab al-Sab'a. Il les a choisis parmi plusieurs autres qira'at. Ce sont ces 7 qira'at qui ont été retenues par la communauté jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, à ces 7 furent ajoutées 3 autres, dont je vais parler, Inch'Allah. Il a dit dans son livre Saba, ce livre, livre éminent, vraiment, il a cité les biographies des 7 Qurra'a. Nafi', Asim, Al-Kisa'i, Abu Amr ibn Amir et les autres. Ibn Kathir al-Makki, il a cité les biographies de ces Qurra'a, leur qualité. Il a parlé de leur qualité, de leur scrupule. Il a parlé de leur shuyukh, leurs disciples, les chaînes de transmission entre lui-même. Il a dit hadi asanidi, les chaînes de transmission entre lui et chaque qari. Asanid qira'at Nafi', asanid qira'at Asim, les chaînes. C'est pas qu'il a lu ça dans un livre. Non, c'est la chaîne de transmission. Puisque lui, il est apparu au 4e siècle de l'Égypte, et les autres, c'était vers le 2e siècle de l'Égypte, entre le 2e et le 3e. Donc il y a un siècle entre eux. Et ce siècle-là, bon, il a comblé par la transmission orale, c'est-à-dire il a pris de leurs chouyours les qira'at de chacun. Il a pris des chouyours qui sont dignes de confiance. Donc il a dit, voilà ma chaîne de transmission qui va de moi jusqu'à Nafi', qui va de moi jusqu'à Al-Kisa'i. Mais il a fait un grand travail de recension. La méthode suivie par chaque qari, la différence entre eux dans chaque sourate, un travail minutieux. L'imala, il dit Hamza, il fait l'imala dans ici, il ne le fait pas ici. Nafi', sur le Hamz, le med du Hamz, le med du Mim al-Jam', comment il se fait, Naladina Kafrosa, un alayhimu, dans chaque alayhimu, un dertu, quand le Mim du Jam' précède le Hamza, il la prolonge, l'autre il ne la prolonge pas. Et tout ce travail-là avec chaque mot, chaque lettre avec sa chaîne de transmission. C'est-à-dire, il y a un travail énorme, un travail minutieux. Il a dit dans son livre, il a dit parmi ceux qui retiennent le Coran, Abayn Huffat, ceux qui ahfazun kitab Allah, il y a le savant au sujet des langues, des significations des mots, des diverses formes de lecture, des lectures défectueuses. Il connaît la syntaxe des énonciels et les données traditionnelles, c'est-à-dire la transmission orale du shiur. Il a dit celui-là est l'imam auquel il faut recourir en toute hâte. Hada qari. Wajab al faza'u ilay. Savant connaît la langue, il connaît la syntaxe, il connaît les lectures qui sont authentiques et les lectures défectueuses. Il a rapporté ça selon des chaînes de transmission. Alors là, c'est le qari, c'est l'imam. Ça, c'est le premier catégorie de gens. Il a dit, il y a celui qui parle l'arabe sans erreur de prononciation. Il a dit, la yulhin. C'est-à-dire, les terminaisons, il les fait comme il faut. وقال الله, il ne se trompe pas, il ne dit pas وقال الله, c'est-à-dire dans les terminaisons, c'est ce qu'on appelle surtout le lahn. Il fait pas le nasb au lieu du rafa, c'est-à-dire il fait pas la damma au lieu de la fatha, au lieu de la damma, il inverse pas les voyelles courtes. Il a dit, il y a celui qui parle l'arabe sans erreur de prononciation des terminaisons, sans lahn. Il récite le Coran selon son accent, son idiome. Il ne peut pas changer sa manière de prononcer. Il est bloqué, c'est-à-dire quelqu'un qui est... C'est sa langue maternelle qu'il la récite. Il a dit ça, c'est comme les bédouins arabes. Ils ne se trompent pas de prononciation, mais ils sont bloqués, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent qu'un seul mode de prononciation. C'est la deuxième catégorie. Il a dit, il y a celui qui ne fait que répéter la qira'a qu'il a entendu. Il ne connaît ni l'arabe, il ne connaît pas la syntaxe des énonciels, il ne connaît ni la langue arabe. C'est un hafiz, c'est un mémorisateur. Il a appris ça comme ça. Il a dit, il peut lui arriver d'oublier et réciter en commettant des erreurs de prononciation. C'est-à-dire, il ne connaît pas les règles. Il a appris ça comme ça, en bloc. Il l'a mémorisé, comme un ordinateur. Il le répète. S'il lui arrive des trous de mémoire, problème, il oublie, ça y est, il ne peut pas, il n'a pas la science pour qui le sauve. Il se trompe. Il a dit, le problème, c'est que les jeux font confiance, peuvent faire confiance à ce qari et retenir de lui des erreurs, des qira'at qui sont défectueuses. Il a dit, il y a celui qui connaît la syntaxe des silencieux, connaît l'arabe, il connaît les significations des langues, mais ne connaît pas les qira'at, c'est-à-dire les qira'at rapportées de la bouche des shuyukh. Il a dit, il peut réciter le Coran selon un harf qui est accepté par la langue arabe, mais personne n'a récité de cette manière. Il a dit, celui-là est le mubtadi'. Il a dit, c'est grave, Ada. Pourquoi? Parce que bon, il va prendre le mushaf de l'imam et il va réciter selon ce mushaf-là, mais il ne va pas. Il va dire, bon, sur un mot, il est conforme à la langue arabe, donc je vais réciter comme ça. Puisqu'il est conforme à la graphie, il est conforme à la langue arabe, bon, c'est bon. Mais il ne l'a pas retenu de la bouche des shuyukh. Il n'a pas retenu de la bouche du shuyukh. Il a dit, celui-là, c'est un mubtadi', c'est un innovateur. Parce qu'il va sortir des mots qui n'ont pas, qui en fait, qui ne font pas partie du Coran. Il a juste travaillé la graphie, il a adopté le mot à la graphie coranique et sans transmission orale, sans qu'il de qui tu as reçu ce mot, comme par exemple comme فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا dans sourate Yusuf. Désespérant de lui, ils allèrent se concerter à l'écart. Ça, c'est comme ça dans la langue, comme dans le Coran. Najiya. Najiya, ça s'écrit le noun, le rasm. Ça, c'est dans, je vous dis dans le mushaf de Uthman, avec le ductus, le tracé du noun, ou du ha, ou du jim, et puis le ya et le alif. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Et ça a été fait. Ça a été fait par Abu Muqsim, Ibn Muqsim al-Attar. Ça a été fait par lui. Il a dit, فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نُجَبَاءَ نُجَبَاءَ. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce tracé-là, il a pris la graphie du Coran, et il l'a prononcé d'une manière, à sa manière. نُجَبَاءَ, c'est un mot arabe. نُجَبَاءَ, نَجِب, veut dire noble. Nujaba, ça c'est conforme à la graphe, puisque les Hamza, les compagnons n'écrivaient pas les Hamza. Le Mus'haf d'Othman, il n'y avait pas de Hamza. Donc, il a prononcé correct. C'est de la langue arabe. Je dis, il a prononcé pas le Coran, mais le mot qu'il a sorti est correct en langue arabe. Et il est conforme au rasm de Uthman, mais il ne l'a pas reçu des compagnons, il ne l'a pas reçu des shuyukh. Il l'a sorti de sa tête. Il l'a sorti de sa tête. Donc ce mot-là, il faut pas le, ce mot-là est à rejeter. Nujaba, ça n'existe pas dans le Coran. Il a dit, celui qui fait ce genre de choses, c'est un mubtadi', c'est un innovateur. Et il y a eu même une histoire entre lui et Ibn Muqsim al-Attar sur ça, exactement sur ça. Donc, je dis, les conditions qu'il a, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé de la catégorie, de quatre catégories. Il a dit, le premier, c'est celui qu'il faut, le savant de Qira'at, qui a reçu le Coran par transmission orale de ses shuyukh, qui connaît la langue arabe, qui connaît les nuances phonétiques. C'est celui-là, le imam, le qari'. D'accord. Et il s'est imposé, il a imposé des conditions pour l'acceptation d'une qira'a. Il a imposé des conditions pour l'acceptation de qira'a. En fait, il n'a pas déclaré clairement ces conditions, mais les savants les ont déduites. Ils les ont déduites d'après ces positions contre certains innovateurs, mubtadi'a, et contre certains qura'a qui récitent d'une manière erronée. La première condition pour qu'un qira'a soit accepté par lui, et il a été accepté par toute la communauté, alhamdulillah, ijma', la première condition, la qira'a doit être authentique du point de vue de sa chaîne d'autorité. Sanad, c'est-à-dire transmise par les compagnons à leurs disciples, puis par ces derniers à leurs disciples, et la chaîne continue jusqu'au qari'. Et tous les rapporteurs doivent être dignes de foi compétents, connus par tout le monde pour leur récitation correcte. C'est-à-dire connus comme des récitants. Cette transmission orale de maître à élève, ça c'est... je vous ai dit qu'il y eut un problème entre lui et le Muqsim, Ibn al-Muqsim al-Attar, qui est mort en 354 de l'Hijr. Ibn al-Muqsim al-Attar, c'est un imam en langue arabe, mais il a fait un ijtihad personnel. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, toute qira'a qui est, ou lecture, quand je dis qira'a, c'est lecture d'un mot. Il a dit, toute lecture d'un mot qui a un sens en langue arabe et que la graphie du mushaf othmanien accepte, il est permis de réciter dans la prière. Même si cette qira'a n'a pas de chaîne de rapporteur qui remonte au compagnon. Et même si personne ne l'a récité de cette manière auparavant. Et Ibn Mujahid, je vous ai donné l'exemple. Lui, il récitait de cette façon. Falamastayis asumino khalasou najiya dans Surat Yusuf. Lui, il dit Falamastayis asumino khalasou nujaba. Il a sorti un mot. Il est conforme à la graphie arabe. Il est accepté par la langue arabe. C'est un mot en arabe. Nujaba, c'est le pluriel de Najib. Et il a dit, je l'adopte. Il a fait un ijtihad personnel. Ibn Mujahid, qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté son affaire aux autorités. Et un procès fut ouvert en présence des qadis, des qadat, des juges et des qurra. Et Ibn al-Muqsim déclara son repentir, tab, et renonça à sa bid'a. Et Ibn Mujahid, il intercéda en sa faveur auprès des autorités de... C'était à Bagdad. Et la peine fut levée. Ça, c'est la première condition, sanad, la chaîne de transmission. La deuxième condition pour l'acceptation d'une qira'a, c'est que la qira'a doit être conforme à la graphie des mushaf de Uthman. Ça, c'est les conditions que Ibn Mujahid a imposées dans son livre Kitab Sab'a. Donc, il faut, pour que la qira'a soit acceptée, il faut qu'elle soit conforme à la graphie du mushaf de Uthman. Et là, il y a une autre histoire avec un des qurra, c'est Ibn Shanboud. Ibn Shanboud, il récitait le Coran selon une lecture marginale. Et il la faisait réciter aux gens. Il la récitait dans la prière aussi. Il récitait dans la prière, bien qu'il ne soit pas conforme à la graphie de Uthman. Par exemple, il récitait Fas'au ila zikrillahi wa zarul bay'. Il dit Famdo ila zikrillahi wa zarul bay'. Dans Surat al-Jumu'ah, Ya ayyuha alladhina amanu, idha nudiya lis-salati min yawm al-Jumu'ati, fas'au ila zikrillahi wa zarul bay'. Dans Surat al-Jumu'ah, quand l'appel à la prière du vendredi s'annonce, alors accourait vers le zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala et abandonnait tout commerce. Lui, il dit au lieu de fassaou, il dit famdo ila zikrillah. Et aussi, wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun dans Surat al-Waqi'a, lui, il dit wa taj'aluna shukrakum annakum tukazzibun. فبهذا الحديث أنتم تدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. Lui, il récite وتجعلون شكركم. Cette lecture n'est pas conforme au mushaf de Uthman, bien qu'elle l'ait, attention, bien qu'il l'ait rapporté des chouyours. Et là, sa chaîne, cette qira'a a sa chaîne de rapporteur. Et comme par exemple, يأخذ كل سفينة غصبا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا dans Surat al-Kahf. Il y avait un roi qui, pour ce qui est d'une, وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Pour ce qui est du navire, il appartient à des pauvres travailleurs de la mer. J'ai voulu l'endommager parce que derrière il y avait un roi qui s'emparait par force de tout navire. وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. يأخذ كل سفينة غصبا, lui il récitait يأخذ كل سفينة صالحة غصبة. Lui, il récitait, il dit, et il y avait, derrière eux, il y avait un roi qui s'emparait par force de tout navire en bon état. Il a ajouté en bon état, salihatin, il l'a ajouté. Et cette qira'a existe, c'est-à-dire, il a une chaîne, mais il n'est pas conforme au rasm de Uthman. Kal'ihni al-manfouch, il récite lui, kassouf al-manfouch. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. العهن ça veut dire la laine. Lui il récite كالصوف, un autre mot qu'on emploie pour désigner la laine, صوف المنفوش. Ibn Mujahid il essaya de ramener Ibn Shanbouz à la raison. Il a dit faut revenir, faut pas lire de cette manière. Mais Ibn Shanbud s'obstina et continua dans sa qira'a. Et Ibn Mujahid, il a intenté un procès contre lui auprès d'Abu Ali Ibn Muqla, qui était vizir à l'époque. Et alors, Ibn Shanbud comparut devant un jury composé de juges, de fuqaha et de qurra. C'était en l'année 323 de l'Hégire. Et il fut condamné à une peine de prison et reçut des coups de fouet. Et il... Enfin, à la fin, il déclara son repentir. Il finit par se... Il y a des grands imams, mais ils lisent selon des... Ils ont une lecture défectueuse. Et subhanallah, Ibn Mujahid s'est dressé contre eux. C'est-à-dire sur le terrain et aussi dans sa recension, dans sa recherche des asanides. Donc ça, c'est la deuxième condition. La troisième condition, c'est qu'il faut que la qira'a soit conforme à la langue arabe. Pas forcément la langue arabe éloquente, c'est-à-dire des mots employés en langue arabe. Cette condition se fonde d'ailleurs sur le Coran. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Yusuf. Nous l'avons fait descendre en forme de Coran arabe. Et il a recensé ses qira'at et il a conclu qu'elles remplissent ces conditions. Et ils sont les plus authentiques. Il a mis en valeur ses qura'a et a exposé leur qira'at, c'est-à-dire les sept, leur qira'at. Il a exposé leur qira'at aux grands savants. Il a dit voilà. Et ils furent unanimes sur la probité de ses qura'a, sur la compétence de ses qura'a et l'authenticité de leur qira'at. Cela ne veut pas dire qu'ils rejettent les autres qira'at. En aucun cas dire qu'il rejette, mais ces qira'at sont les plus authentiques, les sept. Et c'est vrai que beaucoup de gens ont fait la confusion entre les sept ahruf et les sept qira'at, mais Ibn Mujahid, même des savants, ils ont reproché à Ibn Mujahid le fait qu'il fixe à sept. Et Ibn Mujahid ne l'a pas fait exprès, sa recension l'a mené à fixer sept qira'at. Il n'est pas responsable des erreurs d'autrui. Bien sûr, d'autres savants sont venus après Ibn Mujahid pour recenser 8 qira'at comme Ibn Ghalboun, le Hanbalit, c'était en 399 de l'Hégire, dans son livre At-Tadhkira. Il y en a qui ont recensé 10, comme Nasr ibn Abdelaziz, le Farisi, dans son livre Al-Jami', et aussi 10 par Al-Hassan al-Baghdadi. Il y en a même qui ont recensé 13 et même 15 qira'at. À ces qira'at-là, donc, vous devez les connaître, enfin, les sept qui sont connus. Bon, Asim, Nafi', Asim, Nafi', Ibn Kathir, Al-Makki, Abu Amr, Al-Basri, Ibn Al-Ala', Al-Kisa'i, Ibn Kathir, Al-Makki, Al-Kisa'i, Hamza Al-Zayyat, le septième, Hamza Al-Zayyat. Et à ses qira'at, Ibn al-Jazari. Tout le monde parle d'Ibn al-Jazari. Tous les qura'a parlent d'Ibn al-Jazari. Ibn al-Jazari, c'est le grand cheikh chour dans le qira'at. Il est mort en 833 de l'Hégire. Ibn al-Jazari, c'est une référence aujourd'hui dans Matn al-Jazariya. Il est connu. Tous les étudiants qui travaillent sur le qira'at connaissent le Matn al-Jazariya. Ibn al-Jazari, Kitab al-Nashr, un chef-d'œuvre. Ibn al-Jazari, il a ajouté trois qira'at. il les a recensés, a examiné leur chaîne de transmission et il a conclu qu'elles remplissent les conditions requises. C'est pas un choix personnel ou moi, cette qira'a me plaît. Non, non. C'est un travail de recherche, de recension. Il avait avec ses chaînes de transmission. Et il les a citées dans son livre Tahbir Tisir fi qira'at l'a'immat l'ajr. Il a cité ces trois. Et aussi dans Dur al-Madiyya fi qira'at thalath al-mardiyya. C'est une sorte de poème, c'est une forme de poème. Dur al-Madiyya, c'est. Les références du Coran, c'est Shatibiyya et Dur al-Madiyya. Donc, et il l'a aussi cité dans le Kitab Nashr que je vous ai dit, Nashr fi qira'at l'ajr. Donc, il a ajouté ces trois. Qui sont ces trois? Abu Yazid, Abu Ja'far Yazid ibn al-Qa'qa', al-Madani, Abu Ja'far. Il est mort en 128 de l'Hégire. Et ces deux rouats, c'est Ibn Wirdan, Ibn Jemmaz. Abu Ja'far, c'est même le cheikh de Nafi'. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est Ya'qub al-Basri. Ya'qub, Abu Muhammad Ya'qub ibn Ishaq. Il est mort en 205 de l'Hégire. Les deux, il a deux riwayats, il a deux versions, c'est celle de Rouaïs, Mohammed ibn al-Mutawakkil, et Rouh ibn Abd al-Mu'min. Rouh ibn Abd al-Mu'min. Et puis le troisième, c'est Khalaf ibn Hisham ibn Tha'lab al-Bazzar al-Baghdadi. Il est mort en 229 de l'Hégire. Ces deux riwayats sont. Ishaq ibn Ibrahim, les deux disciples, Ishaq ibn Ibrahim et Idris ibn Abd al-Karim. C'est bon? Qira'at Ya'qub al-Basri, Ya'qub c'est l'élève de Salam Tawil, et Salam Tawil c'est l'élève d'Abu Amr al-Basri et l'élève de Asim. Donc c'est 10, 7 plus 3. La communauté musulmane fut unanime là-dessus. Walhamdulillah. Donc, Inch'Allah, vous avez compris le cheminement des événements. La première recension, etc. La deuxième recension, Othman qui fixe, qui met par écrit le Coran dans six copies ou sept copies qui ont été envoyées aux Amsar des grandes métropoles, l'apparition des Qurra et la recension de ces Qurra. La venue d'Ibn Mujahid, qui a sabba'a sabba'a, qui a fixé les sept, et la venue plus tard de Ibn al-Jazari, c'est-à-dire Ibn al-Jazari, il est mort en 833 de l'Hégire, c'est-à-dire il y a à peu près combien? Il y a 6 siècles déjà, qui a Ibn al-Jazari qui a recensé, qui a fixé trois Qurra, et on a 10 Qurra. Il y a maintenant 10 qira'at que les gens connaissent. Donc, il y a des qura'a qui ont la licence, ils ont l'ijaza qui récitent selon ces 10 qura'a. Walhamdulillah. Bon, Inch'Allah, je vais m'arrêter ici. Et la prochaine fois, on étudiera la suite. On définira ce que c'est que la qira'a. Voilà. Subhanakallah, bihamdik. Shadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.